Maintenant, il faut aller dans le chemin. Maintenant, il faut aller justement dans ce chemin de la libération de soi pour retrouver Dieu en soi.